test max de phase. Afka, yo, Afka. Faut sur notre passage. Notre passage, c'est comme ça que ça se passe. Comme ça, ouais. Le max de phase. Stock, UST. Max de phase, apocalypse, les gars du Labs. Fuck, ceux qui me dénigrent me traitent de sale nègre au vinaigre. Même si je suis mec, c'est sa zone, j'ai dame sans prendre de vinaigre. Fuck, les types qui veulent me carotte, se prétendent être mes potes. Mais la première au casse, et c'est mon cul et sans capote. Fuck, les tasses, ils jusqu'au classe et à la vigne du lias. Rampe te vide ensuite, tu te lasses, tu te laisses. J'fuck, le juge qui a jugé mon pote et l'a fait prendre perpète. Je jure, si je le croise un jour, je le briserai comme un serpent. J'fuck, les CRS qui me restent rien que pour vouloir me rosser. Mais rien à foutre à tout cela, je leur dis le bouffeurant. J'fuck, les MC Bozo, un silent carton, MC cloné. Mais après moi, passe la nuit en enfer avec George Clooney. J'fuck, les putes qui jacquent trop, ceux qu'on ne voit jamais trop. Ceux-là même qui crient, nique ta mère, t'es dans le métro. Mon feu le fait, balance, clopé de rime, max de quoi c'est, est-ce t'es prédillant, je gardien du crime. Merde, faut que les pompes qui poussent comme de la mauvaise herbe. Leur final, je jette son pile comme des macabussières. Mon feu le fait, balance, clopé de rime, max de quoi c'est, est-ce t'es prédillant, je gardien du crime. Merde, faut que les pompes qui poussent comme de la mauvaise herbe. Leur final, je jette son pile comme des macabussières. J'fuck, à chaque moment, c'est proche, t'attends de ma chute que je béton. Moral saqué, t'as rien à faire, ta place est sur le béton. J'fuck, parole trop bidon, on est égaux selon qui. Dis-moi, pourquoi t'as ça pas moi, pourquoi je l'ai t'es pour l'avoir, j'fuck. Le pénis du partisan d'idées absurdes, j'fuck. Pas su t'en graine, mais ceux qui suivent tout comme des mules, j'fuck. Meuf qui me chauffe au jean moulant, pas trop soulante. Mais quand elle part, je me casse, va pour sa tête, son haleine puante. Demain, l'euro trop vite va casser tous mes business. Trop de conversion, en plus, j'suis nul en match, ça me délaisse. J'fuck. L'ex-ami de mon ami, tiens mis la main sur son ami. Le même a mis la main sur moi, puis s'est retrouvé dans l'ennui.